Aujourd'hui. Le sujet, bien, on va vous le dire à la fin de la conférence, le titre de la cassette. Salut Daniel. Est-ce absolument vrai que rien ne se crée, rien ne se perd? En réalité, rien ne s'est créé. Donc rien ne peut se perdre. Ben, ça, la conclusion, c'est il n'y a rien. Exact. Mais c'est faux. Non, c'est vrai. Alors, c'est sûr que si on part avec l'idée qu'il y a eu des choses créées, si on part avec l'idée que le temps et la matière, c'est des choses qui sont réelles, dans un continuum écrasé comme le nôtre, continuum à quatre dimensions, ben effectivement, rien ne se perd, rien ne se crée. Et c'est pourquoi l'être humain qui, à un moment donné, voudra créer, devra nécessairement déborder des quatre dimensions. Quand on parle du Nazaréen qui a changé l'eau en vin, c'est de la transformation, c'est pas de la création. Même le Nazaréen n'a pas créé, parce qu'il était limité aux quatre dimensions qu'on connaît. Donc, il était limité à une forme de... Il était dans une sphère où on a des boucliers énormes qui sont le temps et l'espace, qui sont le mensonge cosmique, qui font en sorte que l'être humain, même s'il reçoit une énergie créative, ne peut pas l'appliquer. Et c'est, quand on parle d'énergie créative, l'énergie supramentale est créative. C'est la seule énergie créative qui existe, qui touche présentement l'humain. Et l'énergie supramentale est créative, on peut même dire créatrice, mais elle permet à l'être humain d'exprimer une créativité. La seule chose qu'il y a, c'est qu'étant donné que l'être humain reste confiné aux quatre dimensions, l'être humain n'a pas de libre-arbitre, et un être humain qui n'a pas de libre-arbitre, qui laisse passer une énergie créative, nécessairement ne peut pas devenir créateur. Pour devenir créateur, l'humain doit comprendre qu'il doit accomplir et qu'il ne peut pas faire. S'il accomplit, il va nécessairement laisser l'énergie créative accomplir des choses. Et encore une fois, ça fera partie du principe de transformation, donc du principe d'évolution, parce que l'évolution est une transformation. Et encore une fois, on n'aura pas là une vraie création, une vraie créativité, mais du point de vue de ce que l'humain connaît ou du point de vue des trames qui l'ont limité depuis le passé, l'énergie supramentale, lorsqu'elle traverse un être humain transparent, s'exprime sous forme de créativité et la personne va amener des transformations qui n'ont pas pu être prévues par le passé. De ce fait, on appellera ça créatif. Mais c'est pas plus créatif. Mais la créativité, c'est un principe dans l'invisible ou dans l'énergie, mais non pas dans la matière. La créativité, c'est ça. La créativité, c'est un principe qui est énergétique, qui n'est pas visible et qui ne sert à rien s'il n'est pas exprimé dans la matière. La matière elle-même n'est pas créative. Fait que rien ne se crée, rien ne se perd, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien de créé. Il y a seulement... Bon, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, je sais. Moi, je dis qu'il y a quelque chose, mais là, comme tu dis, il y a seulement que la transformation. Présentement, dans un cadre où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Hein, c'est la conclusion même de la loi. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sauf que lorsque l'être humain va avoir une conscience suffisamment reliée au plan supramental et au plan bouddhique, et surtout au plan de l'intentionnalité, donc le plan divin qui est à l'extérieur, l'être humain sera capable d'amener des choses virtuelles dans un contexte temporel, donc il sera capable de créer à partir de rien. Pourquoi on peut créer à partir de rien? Simple. Parce que rien n'existe. Tu peux donc créer à partir de rien sans problème. Tout est une question de visualisation, tout est une question d'illusion. Ce n'est pas une question de réalité absolue. Présentement, les choses sont réelles, mais dans un cadre local. Ce n'est pas une réalité absolue. Un peu comme on a des lois planétaires qui sont extrêmement réelles, mais qui n'existent absolument pas si on sort du contexte planétaire. Alors, il y a des choses qui sont réelles dans un contexte mensongeux. Mensonger, ça va. Mais les mêmes lois ne sont pas applicables au niveau de l'absolu, ce qui fait que, présentement, on pourrait, à un moment donné, on va arriver à créer à partir de rien, pour la simple raison qu'on aura compris de quelle façon les choses ont été constituées, c'est-à-dire qu'on aura compris la mécanique même du mensonge cosmique. Présentement, l'humain est obligé de jouer avec le mensonge cosmique, donc l'humain prend du mensonge pour en faire du mensonge. Et on appelle cela de la transformation. On n'en a vraiment pas besoin. Pas quand l'humain est relié à un plan supramental suffisamment exprimé chez lui pour permettre la création. Présentement, l'humain, ce qu'il fait comme créativité, le réincarne de l'avenir. On appellera cela de la créativité parce que cela ne fait pas partie de la mémoire passée de l'historicité humaine. Alors, on pourrait dire, la personne, elle est créative. Mais l'être humain n'est pas un créateur. L'être humain, il est assis à sa table, et puis il attend, et puis il attend, et puis il attend, et puis pouf, une idée arrive, il l'écrit. Il dit, hey, j'ai eu une idée. C'est plutôt l'idée que tu as eue. Bon, tu n'as pas eu d'idée, ça passe par là subitement, puis là tu l'exprimes. Bon, ben c'est correct, tu l'exprimes. Ce n'est pas de la créativité. La personne qui fait de la peinture, elle s'exprime, elle ne crée pas. Bon, elle va dire, j'exprime ma créativité. Ça, c'est parce que l'humain a un orgueil, l'humain croit qu'il a les barbites. L'humain, étant donné que l'humain est orgueilleux, l'humain se dit, c'est moi qui crée. Mais tu ne peux pas créer tant que tu n'as pas l'inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas créer tant que tu n'es pas manipulé. Ça veut dire que tu ne peux pas créer tant que la chose ne te traverse pas. Autrement dit, ça veut dire que tu n'auras jamais créé, tu ne créeras jamais non plus, pas en tant qu'être humain. Pas en tant que mortel. Immortel est un être de mémoire. C'est une créature du temps. Et nécessairement, immortel n'a pas la capacité de créer. Il a la capacité de transformer la mémoire. Puis les choses, la matière, c'est de la mémoire. Ça se conserve en mémoire. Ça reste une forme. C'est de la mémoire. Puis la mémoire, c'est du temps. Puis le temps, c'est une quantité de matière. Ben, c'est pour ça que la matière, elle est là. Mais ça n'existe pas. Bref, si on revenait à quelque chose... Qui existe. Si on revenait sur la Terre. Ah, je n'ai rien contre. Mais pourquoi revenir sur la Terre? Alors, continuons. Je peux pas continuer. Ben, c'est pour ça qu'il faut venir. Mais c'est... continuer juste pour revenir dans le... cheminer dans le futur. Exprimer la créativité du futur. Mais c'est pas de la créativité, c'est... mais c'est ce que l'humain, c'est ce que c'est, le mortel c'est relatif. L'humain va dire, ah tiens, il a créé quelque chose de neuf. En réalité, il a simplement appris des mémoires qui existaient déjà au niveau de l'avenir, puis les a exprimées présentement, parce que c'était le temps où ces mémoires ont commencé à apparaître. Tout est une question de relativité, tout est une question d'illusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'avenir, il existe des choses, mais ces choses-là devront prendre naissance quelque part dans le temps, dans leur passé, et dans ce passé-là, bien, plusieurs choses de l'avenir vont de plus en plus avoir tendance à se réincarner ou à revenir dans le passé pour pouvoir apparaître à la date où elles sont apparues. Mais ces choses ne seront pas un processus de maturation expérientielle provenant du passé. Exactement comme si nous travaillons, par exemple, avec le cheval, nous travaillons lentement avec les moteurs, bon, le moteur à vapeur, et puis en réalité, la chaudière pour commencer, puis finalement, on en fait des pistons, puis on en arrive jusqu'au moteur à explosion. Et puis, on continue comme ça. Ça, c'est une maturation de l'expérience du passé. Et subitement, un jour, une personne va arriver avec une amanchure d'invention qui va révolutionner toute l'affaire au complet, comme le transistor. Bon, alors on avait des lampes, on avait des ceci, on avait des cela, et puis là, dans son laboratoire du Bell Canada en Ontario, on travaillait sur le transistor. On avait une idée précise de ce qui devait se passer, alors que ce n'était pas une maturation du passé. Eux ont réincarné des mécaniques du futur, et ces mécaniques-là sont venues s'installer quelque part dans le passé, et là, on a travaillé quelque chose en étant manipulé. On pourra donc parler de créativité, ces êtres-là étaient des créateurs, mais en réalité, ils n'ont rien créé. Et à un moment donné, ils arrivent à la résultante, qui disons par exemple, oui, le transistor. Mais le transistor n'est pas un travail qui vient du passé, c'est un travail qui, c'est l'avenir qui est venu le dire à un moment donné, quelque part dans le temps, écoutez, je dois exister, ce qui fait qu'avant, inventez-moi. Alors là, ça devient une maturation rétroactive de l'avenir et non pas une maturation positive du passé. Pour l'humain qui va de plus en plus connaître ce genre de choses, il parlera de génie, il parlera de créativité, il parlera de ce genre de choses, c'est une forme d'illusion, ça fait partie du mensonge cosmique, c'est quand l'humain va commencer à comprendre que la créativité est assujettie à la mémoire. Mais la mémoire du passé, parce que pour l'humain, la mémoire, c'est toujours dans le passé. L'humain ne conçoit pas encore l'idée de la mémoire de l'avenir. Alors, pour que la créativité puisse apparaître, elle ne doit pas être assujettie à la mémoire du passé. Donc, lorsqu'un être humain va commencer à exprimer des choses neuves qui ne proviennent pas du passé, qui ne proviennent pas d'une maturation ou d'une expérience du passé, on dira de cet être-là qu'il crée. C'est un génie. Où il prend ça? Il prend ça dans l'avenir. Donc, il est aussi assujetti que ceux qui prennent ça dans le passé, et ça va permettre aux êtres humains de l'époque, c'est commencé un peu aujourd'hui, mais c'est pas encore suffisamment ancré dans la matière, ça va permettre aux êtres humains, progressivement, de s'associer à des visions neuves, qu'on appelle du nouvel âge, à des visions neuves, des visions nouvel-âgeuses, qui vont permettre aux mensonges cosmiques de ne pas être détruits, mais d'être transformés lui aussi, de façon à continuer à obscurcir la conscience des êtres qui sont ascendants. Mais souvent, il dit des gens qui expriment... des trames du futur, ils sont nés avant leur temps. Mm-hmm. Est-ce que c'est... Parce que les autres sont tous encore vivants quand c'est plus le temps. Bon, mais la transition qui se fait dans le présent. On se fait au moment où elle se fait, puis c'est le début de quelque chose. Si tu commences à bâtir une maison, tu commences à quelque part. Ouais, mais c'est la continuité, parce que finalement, les matériaux ont été transformés en briques, ils ont été transformés en ciment. C'est, une maison, c'est pas, y a aucun début. Ça fait partie encore de l'illusion de l'action humaine. Une action, c'est le premier stimuli qui parvient à la conscience d'un être humain, d'une réaction en cours. Quand on dit « je commence à faire une maison », il y a eu un début, il n'y a pas de début. C'est une continuité de transformation de matière. Puis à un moment donné, assujetti à une logistique mentale ou astrale, on va finir par avoir l'impression de construire quelque chose de plus fiable. Mais juste la molécularisation, par exemple, du métal pour en faire de l'acier, c'est déjà une orchestration qui demande énormément. Après ça, si tu t'en sers pour faire simplement des trames pour tenir ton plafond, bah, c'est une chose. Ça dépend toujours de la vision des égos. Parce que quelqu'un va dire, ceux qui sont les mineurs qui ramassent le fer, là, c'est tout du monde crotté. Toi, par contre, tu es un génie, parce que toi, tu fais du fil du métal. Ben oui, ben c'est ça. C'est... Mais sauf que ça reste une transformation, il n'y a pas un palier là-dedans. Celui qui achète le fil de métal pour en faire des bobines d'induction, pour faire des champs électromagnétiques, il trouve que celui qui fait du fil de métal, il est pas mal tapette. Mal niaiseux. Celui qui prend une bobine pour en faire des moteurs, il trouve que celui qui fait bobine, c'est pas vraiment rien. Puis on continue, celui qui prend les moteurs pour faire, etc. Ben habituellement, ceux qui expriment le... Bon, le futur avant le temps, ou en tout cas... Ils l'expriment pas avant le temps, ils l'expriment dans leur temps. Sauf que pour les autres, c'est difficilement acceptable, difficilement supportable. Mais ceux-là, habituellement, ils expriment plus d'intelligence que les gens avec qui ils vivent. Ils expriment plus de nouveautés. Parce que la nouveauté est près de l'intelligence, on pense qu'il exprime plus d'intelligence. Celui qui exprime l'intelligence, c'est pas celui qui exprime du neuf, nécessairement. C'est celui qui est capable d'être transparent. C'est celui qui est capable de se dissocier des mécaniques qui font en sorte qu'il est un être humain. C'est celui qui parvient à être un être que l'humain appellera divin. Lui, il exprime l'intelligence. Celui qui exprime uniquement du neuf, il peut se relier à un égrégore, donc à une mémoire d'intelligence, et exprimer des choses neuves. Il peut se relier à des mémoires de l'avenir, donc paraître un personnage extraordinaire. C'est un peu comme toi, si tu as accès à un livre de psychologie de l'an 3000, ben nécessairement, quand tu viens parler à un psychologue, tu le plantes comme il faut. Là, il va dire, tabarnouche, ce gars-là, où est-ce qu'il prend ça? Il prend ça dans un livre, comme tout le monde. Mais il fouille dans l'an 3000, donc dans 1000 ans d'ici. Lorsqu'on exprime de l'intelligence, on ne sait pas... L'intelligence, c'est simplement la capacité de savoir ce qu'on est supposé savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Je le répète souvent, mais les gens ne voient pas, les gens ne comprennent pas ce que je dis. L'intelligence, pour les gens, c'est toujours la capacité d'en savoir beaucoup. Alors qu'on n'en sait pas beaucoup quand on est relié à l'intelligence. Si on en sait beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de mémoire. Ça, c'est de la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité d'être vif, c'est la capacité d'être instantané. On dira d'être spontané. Spontané, ce n'est pas encore suffisamment instantané. Mais quand même, c'est très près de l'instantanéité. Ça, c'est de l'intelligence. Celui qui exprime des choses neuves n'est pas nécessairement intelligent. Celui qui est spontané exprime de l'intelligence. Celui qui est instantané exprime de l'intelligence. Ça veut dire que dans un être humain intelligent n'a pas de stratégie. Il n'élabore aucune stratégie. L'être humain qui exprime l'intelligence d'une façon transparente n'est pas un stratège. Alors, il ne sait pas, par exemple, il ne fait pas de stratégie dans la communication. Il ne dit pas, ah ben là, je vais pas lui dire telle chose à cause qu'elle va se choquer, ce qui fait que je vais, etc., etc. Non, c'est un être humain qui ne dira pas telle chose parce que ça va choquer l'autre, mais qui n'aura pas eu besoin d'y penser pour le faire. Ce n'est pas un stratège. C'est un être humain, par exemple, qui s'en va sur un champ de bataille sans aucune stratégie et qui gagne la guerre. Ça, c'est un être intelligent. Celui qui exprime des stratégies est un être qui a la possibilité soit de se connecter aux mémoires des stratèges du passé, ceux qui se sont cassés la gueule au début, et puis on apprend par l'expérience, ils peuvent se relier à des stratèges de l'avenir, ils se réunissent, ils peuvent s'associer aussi aux stratèges actuels, leur ennemi, pour savoir ce qu'il va faire. Après ça, ils font de quoi pour contrer ce qu'il va faire. Et puis, ce sont des êtres qui sont des génies militaires, mais ils n'ont pas d'intelligence, ils sont intellectuels, ils n'ont pas d'intelligence. L'intelligence, c'est beaucoup plus facile. L'intelligence, c'est beaucoup plus simple. L'intelligence, ce n'est pas compliqué, l'intelligence, ce n'est pas limité. Ça veut dire que si on prend la connaissance est limitée. Mais ceux qui accèdent ou qui cheminent vers l'intelligence, c'est compliqué et souffrant? Pour la simple raison qu'ils résistent. Les personnes qui sont transitives sont des personnes qui essaient d'amener toute leur connaissance avec eux dans le véhicule de l'intelligence. Parce qu'ils se disent, si l'intelligence manque, là, je vais faire quoi? Ben, je m'amène des assurances. Je m'amène un paquet d'affaires. Mais les assurances, c'est quand tu doutes. Bon, si tu es convaincu que les roues de ton automobile sont absolument increvables, inéclatables ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de roue de secours. Alors, tu prends la roue de secours, tu la mets dans le garage, puis tu fais de la place dans ta valise. Oh, mais c'est ça. Si tu amènes ta roue de secours, tu amènes du poids pour rien. Puis il y a des choses que tu devrais mettre dans la valise qui ne pourront pas rentrer à cause qu'il y a la roue de secours. Ce qui fait que l'humain doit non pas faire confiance. On le répète encore une fois, on ne doit pas faire confiance. On doit ne pas avoir de doute. Et on doit ne pas avoir de doute dans notre faculté interne de discerner les choses externes, de discerner le mensonge, ou de discerner le mensonge juste du mensonge injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai l'impression que tu es un gars correct, mais c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge juste. Alors que je connais d'autres personnes qui sont des personnes qui ne sont pas tout à fait correctes, qui sont des mensonges qui sont injustes. Ils peuvent être justes aussi, mais souvent ils sont injustes. Alors, l'être humain qui est intelligent, c'est un être humain qui n'a pas de bagage, c'est un être humain qui n'a pas de transpiration, c'est un être humain qui, pour être totalement intelligent, il y a des mécaniques, on en a déjà parlé un peu dans le passé, il y a la négoïsation qui doit se faire, puis en attendant que la négoïsation se fasse, si on veut que la négoïsation devienne relativement douce, on doit s'arranger au niveau de l'intelligence pour pouvoir créer dans le mental ce qu'on appellera une religion mentale. Ça veut dire qu'on doit s'arranger pour pouvoir convaincre l'ego de ne plus rechercher, de ne plus mettre, l'ego aura confiance. L'ego, ça a toujours confiance, l'ego. Ça a confiance, sa peur ou sa confiance. Alors, on doit s'arranger pour que l'ego place sa confiance dans le plan supramental. On doit s'arranger pour que l'ego place sa confiance dans l'esprit. Mais présentement, l'ego a confiance uniquement dans l'esprit des autres. L'ego a confiance dans l'esprit des livres saints du passé. L'ego a confiance dans ceux qui réussissent matériellement. L'ego a confiance dans ceux qui ont une grande gueule. L'ego a confiance dans les choses comme ça. Alors que l'ego doit finir, chaque individu doit finir par arriver à comprendre que l'ego doit arrêter d'avoir confiance dans les mécaniques externes, extérieures, pour commencer à avoir confiance dans le plan mental de l'humain. Donc de l'homme, de la femme ou de l'enfant à lui-même, pour progressivement être capable de reconnaître la valeur supramentale du contact. Et là, l'ego a retrouvé son Dieu. Et là, l'ego pourra commencer à parler avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là va dire à l'ego des choses, et l'ego va nécessairement totalement écouter, parce que l'ego va être relié au Dieu. Donc l'ego va être religaresse, l'ego va être religion. L'ego va devenir un religieux. Et tous les égos de ceux qui se conscientisent doivent devenir religieux. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à cause des mots, plusieurs personnes qui ont des égos qui refusent, les gens fuient certains mots. Et à cause de ces mots-là, les personnes se briment complètement. Dernièrement, je parlais avec un père, un frère, donc un père, et puis lui, il a une peur bleue de l'ère nouvelle. Il a entendu parler de... Il y a juste des moustaches, des fois il écoute sa télévision. Et puis il a entendu parler d'ère nouvelle, où ce que l'univers est dans l'humain, etc. Puis on a un qu'à se collectiver tout le monde pour s'en sortir, et puis bon, il a bien peur de ça. Puis il a entendu parler du mot fusion à un moment donné, puis ça, c'est un mot ça, qui lui fait mal. C'est un mot qu'il déteste. Parce que selon lui, l'homme ne se fusionne pas à rien. Et l'homme doit simplement être le serviteur, disons, de Dieu. Et puis à un moment donné, il m'expliquait, j'étais dans sa loge, puis on parlait, puis il était en train de m'expliquer que. Lui, puis, disons, on va dire l'Esprit Saint, mais c'était pas de ça qu'on parlait tout à fait. Puis c'est un bonhomme qui il sait vraiment pas qui il est. Il est vraiment, vraiment génial. Il a pas peur de moi. Déjà, faut que ce soit très génial. Et puis. Il sait pas qui t'es. Non, c'est ça. Ben, il sait que je suis bien bizarre. J'ai dit que peut-être quand il va savoir qui je suis, il va peut-être avoir peur, là, puis ça vaut pas la peine. Mais en tout cas. Et puis, à un moment donné, il dit là, je suis avec cette énergie-là. C'est une. Je veux dire, totalement. C'est une fusion. Non, pas une fusion. Mais c'est une fusion. Alors, il m'a sorti des synonymes de fusion, il m'a sorti 3 ou 4. Il parle de fusion. Mais pas la fusion avec ce que les gens veulent, souvent les personnes parlent. Il parlait quand même d'une fusion, mais lui a peur du mot fusion, ce qui fait que c'est pas ça. Et la problématique que ça va faire, c'est que s'il accepterait le mot fusion, il pourrait comprendre tout de suite ce qui lui arrive. Mais n'acceptant pas le mot fusion, il est toujours dans une petite quête, il essaie de comprendre, mais il faut mettre le bon mot. Si je te dis c'est bleu, puis t'as peur, tu veux pas qu'on jamais entendre parler du bleu, t'as passé du temps. T'as passé du temps à essayer de définir la couleur du mur. Ce mur est bleu. Mais c'est pas vert, c'est pas jaune, c'est un amalgame de. C'est pire maison. Disons qu'il est vert, tu vas dire c'est un mélange de jaune et de bleu. C'est ça, c'est vert. Non, c'est pas vert, c'est un mélange de jaune et de bleu. Mais vu que c'est un mélange, les couleurs ne seront jamais fusionnées, ce ne sera jamais une vraie couleur pour toi. Puis pour avancer, il faudrait que tu te libères de cette explication-là, de ce besoin d'expliquer. Tout ce qu'il te faut pour t'en libérer, c'est qu'on mette le bon mot. Puis subitement, le mot va pouvoir te dégager l'énergie que tu as besoin, et puis de te pouvoir continuer. Les personnes, quand on parle de religion, c'est la même chose. Si on dit simplement que tout être humain qui se conscientise doit être un religieux, ben, vous voyez, c'est normal. Les gens s'étouffent. Religieux ou religieuse, veut dire personne reliée. L'ego doit être relié, mais pas relié à un égrégore de plan mental, mais à un égrégore interne. Autrement dit, l'humain doit apprendre à... Égoïquement, l'humain doit apprendre à se faire confiance. Supramentalement, l'humain doit développer dans l'ego du non-doute. Faut que l'humain doute plus. Tu arroses ça? L'être humain doit développer... On a souvent parlé de la religion mentale. La religion mentale, c'est une religion qui... Okay, merci. Donne-moi l'autre verre. Transformer notre... la table et ça. La religion mentale, c'est une mécanique qui fait peur souvent aux personnes et les individus qui veulent effectivement transiter d'une façon douce devront nécessairement, à un moment donné, parvenir à développer chez eux ou chez elles une religion mentale. La religion mentale, c'est la capacité que l'ego de reconnaître la vivacité et la réalité de l'intelligence. Et les égos qui... Parce que plusieurs personnes ici sont intelligents, et intelligentes, sauf que la majorité des gens ne peuvent pas se servir de leur intelligence parce que leur ego ne veut pas. Alors, étant donné que l'ego travaille totalement contre eux autres, ben nécessairement, les individus parviennent à rien. Alors qu'à un moment donné, la personne devra développer chez elle une forme de confiance au niveau astral, au niveau de l'ego, entre ce que la tête peut faire. Parce qu'eux ont quand même reconnu l'intelligence. L'ego reconnaît l'intelligence, mais l'ego n'a pas confiance à ça. L'ego reste un être collectif, donc il ne peut pas reconnaître une intelligence individuelle. Surtout que pour arriver à un plan de contact supramental, il faut que les personnes aient de maudits gros égos. Pour que les gens aient de maudits gros égos, ça veut dire que les gens sont normalement, collectivement, dans un clan qui refuse le collectivisme. Bon. Et pour que les personnes puissent... Donc, les gens sont dans une espèce de groupe qui rit de tous les groupes. Ce sont les autres. Ils font partie de la gang de ceux qui ne sont pas dans la gang. Bon. Alors, les gens qui font partie de la gang de ceux qui ne sont pas dans la gang, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent... Ils refusent toute forme de collectif, de collectivisation, mais ils sont déjà collectifs ensemble. Bon. Et là, ce qui arrive, c'est que si on dit simplement que l'individu doit cesser de croire ou de faire confiance à des mécaniques extérieures, leur ego est prêt à accepter ça. Mais là, si on dit, c'est parce que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que vous devez aller vous brancher, l'ego ne veut pas plus. L'ego, il dit, voyons donc, il y en a plein qui pensent qu'ils sont branchés comme ça, puis c'est tous des imbéciles. Fait que moi, je ne ferai pas ça. C'est sûr, il y a des personnes qui prennent un grille-pain, ils branchent ça sur dans la prise de courant où on connecte le four. Ça saute. Peut-être tu prends un grille-pain, tu branches ça dans une prise de 220, un grille-pain qui est organisé de marché de 110, il saute. Alors, on va dire à un moment donné, écoutez, maintenant, vous avez une sécheuse. Branchez-la sur le 220, ça va fonctionner. Les gens, ils disent, hey, oui, on a une plein qui essaie, ils branchent plein d'affaires là-dessus, ça saute tout. Ils ne branchent pas les bonnes choses. L'humain, il n'y a rien dans le mensonge cosmique qui est totalement faux. Sauf qu'on donne des vérités qui sont des colorations de la réalité et on ne dit jamais tout. Puis le fait qu'on ne dit pas tout, c'est ça le mensonge. Bon. Alors, si on regarde les trames évolutionnaires du passé, tout ce qui est là-dedans est bon. Il faut que l'humain place les choses à la bonne place. Il faut que l'humain place les choses à la bonne place. Et quand l'humain commence à refuser des mots, l'humain commence à refuser nécessairement des quantités d'énergie qui vont lui permettre d'avancer. Un mot, c'est une clé. Donc, s'il faut une clé, c'est-à-dire qu'il faut un bloc énergétique d'une forme particulière qui va à telle place, si tu refuses le mot, tu refuses le bloc. Là, tu vas dire, oui, mais on pourrait peut-être inventer un nouveau mot. Il n'y a pas de problème. D'ici 30 000 ans, à peu près, le nouveau mot aura la même qualité énergétique que celui que tu refuses. Mais ça, c'est une perte de temps totale. L'humain n'y est. Ah, mais c'est relié à, comme le gars tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est relié à un manque de puissance? Parce que le mot fusion, pour lui, peut être trop puissant. C'est un manque, pour le supporter. C'est ça. C'est qu'en réalité, ce qui arrive, c'est que, ben oui, c'est ça. C'est que c'est un manque de puissance de sa part, mais pas pour le mot fusion, pour tout ce qui va découler du fait de comprendre. Lui a un ego comme les égos humains. Il veut chercher son ego. Le bonhomme est correct. Son ego veut chercher, mais son ego veut ne pas trouver. Parce que si l'ego trouve, il ne pourra plus chercher. Et si l'ego a trouvé, c'est un peu comme vous prenez un cheval pour aller de Montréal à Québec, mais rendu à Québec, vous n'avez plus besoin du cheval. Fait que le cheval, lui, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par la Beauce, il va nager un peu dans la rivière Chaudière, et puis après ça, il descend faire un tour aux États, le cheval, il vous amène à Québec, le cheval. Mais vous n'arriverez jamais à Québec. Le cheval, lui, il veut vous amener à Québec, mais il ne veut pas arriver à Québec. Arriver à Québec, il est convaincu que c'est la boucherie qui l'attend. Alors, il veut pas arriver à Québec. Mais quand on lui demande, écoute, tu veux-tu me transporter? Tu veux. Pas de problème. Mais si on lui pose la question, veux-tu arriver à Québec? Toi, ton cheval ne voudra pas. Sauf que l'humain ne pose pas la question à son ego. Il n'y a pas un ego ici qui veut arriver. Il n'y a pas un ego, on peut dire, il n'y a pas une personne ici qui veut réellement se conscientiser. Les gens se conscientisent tant que ça amène une forme de plaisir à l'ego. Tout le monde dit un trip. Non, mais c'est ça, c'est que l'humain ne sait pas où ce qui s'en va. Mais non, puis l'humain sait. Non, en réalité, l'humain sait où il va. Non, il ne sait pas qu'il va à Québec. Il sait qu'il va à Québec, puis il fait tout pour pas savoir qu'il va à Québec. Ah, mais il le sait pas consciemment, tu vois. Ah, il le sait suffisamment. Suffisamment pour passer le reste de sa vie à se niaiser. C'est un peu comme toi, tu sais que tu vas... Mais c'est ça. Tu sais que tu vas à Québec, puis ce que tu fais, c'est que tu te saoules la gueule énormément, puis comme c'est toujours chaud, tu es toujours en convalescence, tu peux pas rouler pour l'instant. Puis tant que t'es chaud, justement, est-ce que tu sais où tu vas? Tu me dis, bon, aucune idée. Bon, parfait. Donc, tu sais pas où tu vas. Mais tu sais tellement où tu vas que tu te saoules la gueule pour plus y aller. Pour l'éviter. Ouais, l'humain, c'est ce qu'il fait. L'humain, c'est ce qu'il fait. Il saoule la gueule énergétiquement au niveau des désirs, au niveau de la mémoire, au niveau de l'émotivité, au niveau des plaintes, au niveau de tout ce qui fait partie du règne mortel de l'humain. Et puis, uniquement parce que l'humain sait où il va. Ben, on parle de l'ego. Puis l'ego veut pas, l'ego veut absolument pas y aller. L'ego a pas compris. Ce que vos égos ont pas compris, c'est que vos égos ne seront pas rejetés. C'est évident qu'on parle de transformation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement important de parler d'une façon brutale à l'ego, au départ, que ce soit en séminaire ou dans différentes conférences, de parler d'une façon brutale à l'ego, que l'ego est manipulé, c'est vrai. que l'ego est fait à l'os, l'ego est même fait à l'énergie, voyez, c'est plus qu'aux atomes. Et on doit parler de certaines choses, on doit parler de rejet de l'ego, on doit parler de la destruction de l'ego, on doit parler du rejet de l'anti-homme, on doit parler de fusion, on doit parler de destruction complète de l'ego, pour créer un stress suffisant dans l'ego, pour que l'ego commence à vouloir rechercher quelque chose. Il y a des égos qui vont vouloir fuir, et là on leur explique que si tu veux fuir, tu sais, t'as pas de libre-arbitre. T'es manipulé. En plus, quand tu vas mourir, tu gagnes le monde de la mort, t'es totalement dilapilé là-dedans, t'es totalement dissous là-dedans, c'est encore bien pire. Ah, ben ça veut dire que... Ah, l'ego, il peut plus fuir, mais il veut pas continuer. Mais il y a un stress tel que ça permet à des formes énergétiques de naître. Pourquoi? Parce que l'ego va vouloir rechercher absolument la façon de s'en sortir. Et recherchant la façon de s'en sortir, étant donné qu'il a vu que la tradition l'amène à la mort, il va chercher une façon neuve de s'en sortir. Et recherchant une façon neuve de s'en sortir, il va mendier le plan mental. Parce que le plan mental, le plan de l'intellect, lorsque c'est naissant, c'est le plan qui amène des trucs neufs, à l'émotif, sans émotion, sans coloration émotive. Alors là, l'ego va mandater le mental, puis le mental va commencer à fouiller, puis la seule place que le mental peut se connecter, c'est au plan supramental. Avec l'ego, est fait à l'os. Mais il faut expliquer, il faut faire peur à l'ego, il faut lui expliquer plein de salades qui sont réelles, mais qui ne sont pas absolues, c'est-à-dire que c'est évitable, d'une certaine façon, pour pouvoir parvenir à planter l'humain, à connecter l'humain au plan supramental, c'est-à-dire à son propre esprit. Mais l'humain, tous les humains sont possédés énormément, sont possédés par quelque chose qui ne leur appartient pas. Les égos sont fractionnés. Les égos sont pluriconstitués, mais il y a d'autres parties autour des égos qui tournent dans l'âme. Là, il n'y a pas rien qu'un égo. En réalité, dans l'âme, il y a un égo majeur, un égo central, puis il y a un paquet de satellites. Puis ces satellites-là sont des mécaniques qui, à un moment donné, viennent obscurcir, prennent la place. L'humain est totalement manipulé par ces satellites. Parce que si on regarde les égos humains, il y a des égos qui sont là, il y a des égos qui sont problématiques. Mais l'être humain qui est capable de se conscientiser un petit peu, l'être humain est capable d'aimer un animal. L'être humain est capable d'aimer un humain, mais même juste un animal. Cet être humain-là, il est suffisamment beau au niveau de l'ego pour être transformable, sauf qu'il doit être exorcisé. Mais l'exorcisme fait partie de la mécanique spirituelle de l'évolution. L'exorcisme fait partie des mécaniques de croyance. L'être humain doit être ouvert totalement envers celui qui vient. Autrement dit, l'humain doit avoir la foi dans celui qui vient. C'est la même chose. La foi, j'ai déjà expliqué que la foi, c'est uniquement une ouverture. La foi, ce n'est pas une croyance. L'humain qui a foi, pas foi en quelqu'un, l'humain qui a foi, il est réglé. C'est pas long qu'il est réglé au complet. Maintenant, l'humain qui croit, et qui croit aveuglément, si on dit la foi, c'est la croyance aveugle, non, cet humain-là, c'est dangereux. C'est une personne qui voit plus rien, qui conduit à 100 km à l'heure sur le métropolitain. À l'heure de pointe. Il conduit pas longtemps à 100 km à l'heure, remarque. Mais la personne qui avance, les égos, tous les égos ici ne veulent pas bouger. Tous les égos ici travaillent absolument contre chacun. Et là, il y a des personnes qui sont convaincues que leur ego ne travaille pas contre elles. Mais il y a une chose qu'on doit bien comprendre, c'est que dans votre tête, c'est clair. Mais au niveau de vos égos, c'est totalement pas clair. Puis il y a pire encore, c'est que souvent, une personne va se dire, je le sais que je suis jaloux, puis je devrais pas. C'est sûr, je le comprends. Mais son ego, là, il est jaloux, puis son ego ne sait même pas qu'il est jaloux. La personne va dire, mais non, mon ego le sait, crime, regarde, je te le dis, là, je suis jaloux. Mais non, toi, tu le sais. Ton ego, il le sait peut-être même pas, lui. La personne, souvent les gens sont convaincus que parce que la tête est au courant, que le reste est au courant. Mais c'est une partie de l'ego aussi. Tu dis, bon, qu'il y a un bloc d'ego, puis il y a des satellites. La partie qu'il dit, là, c'est pas la partie jalouse. Celle-là, elle sait même pas. Non, mais ça peut être le mental qui le dit. Souvent, c'est le mental qui va le dire. Mais, ce que je veux dire, c'est, ça peut être aussi une partie de l'ego qui vient jouer le rôle du mental et pourrait... Oui, mais pour la partie qui vient le dire, c'est pas elle qui est jalouse. Ouais, la partie problématique, ouais. Là, elle ne le sait pas. Et ce que l'humain doit comprendre, c'est que si vous dites, moi, je sais que j'ai des problèmes. Mais ben, ton ego, là, il sait toujours pas que tu as des problèmes. La personne, même si elle le dit clairement, la tête le sait, le reste le sait pas. Il n'y a pas de communication, tu parles l'arabe, puis en bas, ça parle l'hébreu. Mais ça me fait penser à une partie de l'ego qui n'est pas jalouse, mais qui est complice avec la partie jalouse. Ça peut arriver souvent. Mais la partie jalouse, c'est toujours pas. Mais il faut bien comprendre une idée, c'est que l'ensemble de l'ego n'est absolument pas au courant de votre cheminement évolutif, puis l'ensemble de l'ego n'est absolument pas au courant non plus de tous les problèmes qui vous créent. C'est la conscience de l'humain. On peut dire la petite croûte, c'est le mental. C'est la conscience mémorielle, c'est la conscience de l'ego, c'est le mental. La conscience, bon, le mental le sait. Le mental, il sait très bien, à un moment donné, que son émotivité le nuit. L'ego le sait pas. Oui, mais crime, hey, l'ego, ton émotivité me nuit. Là, tu retournes acheter une automobile, tu te fais encore avoir. C'est pas la bonne t'achètes. L'ego ne le sait pas. Et là, la personne, elle commence, elle devient raciste, elle devient égoïste. C'est-à-dire qu'elle déteste l'ego. dans la conscientisation, et elle déteste l'ego, elle travaille contre l'ego, mais la grande majorité de tout ce qui fait partie, parce que ce que l'humain connaît de l'ego, c'est pas l'ego. Ce que l'humain connaît de l'ego, c'est uniquement des expressions, des croûtes superficielles de l'ego. L'humain connaît pas l'ego. Puis l'ego à l'intérieur, l'ego a souffert, l'ego a mangé de la merde en masse, l'ego a eu énormément de problématiques, puis l'ego a une seule chose, l'ego a hâte d'arriver et d'accomplir la chose. Mais l'ego, c'est un ego qui habite un être humain, c'est un ego qui devait... L'ego est luciférien, puis l'ego luciférien, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut absolument faire en sorte que l'humain s'en sorte au plus sacré. Sauf la problématique, c'est que ce que l'ego luciférien n'a pas compris, c'est que pour que l'humain s'en sorte, il fallait que l'ego reste planté dans la planète, que l'ego rentre dans un corps vital, que l'ego rentre dans une âme, que l'ego rentre dans un corps physique, puis que le corps physique se solidifie, jusqu'à temps qu'on puisse générer un corps mental, que le corps mental entre en contact avec le supramental, puis que les trois plans extraterrestres puissent descendre, les trois plans des cieux puissent descendre dans la matière. Puis quand les trois plans des cieux sont descendus dans la matière, la partie luciférienne pourra dire « j'ai réussi ». Mais la partie luciférienne ne comprend pas l'idée. Il ne faut pas qu'elle comprenne l'idée, parce qu'on peut créer une structure astrale uniquement par la souffrance. Donc, on doit lui dire, écoute, fais tout pour t'en sortir, puis là, on va lui placer des bébites négatives autour d'elle, des mécaniques d'involution, qui vont tout faire pour l'écœurer, pour lui dire, tiens, mon torieux, tu restes là, je te déteste, je t'haïs. Là, lui, il rentre en guerre contre les mécaniques, il rentre en guerre contre les mauvaises divinités, il rentre en guerre contre les mauvaises déités, il rentre en guerre contre l'humain, il rentre en guerre contre le mal, il rentre en guerre contre le bien, contre à peu près tout. Et progressivement, il se crée des mécaniques astrales, spirituelles, qui sont théologiques, qui sont ésotériques, qui sont, etc. Et qui vont l'amener à rejoindre le plan mental. Le plan mental va entrer en contact avec l'esprit. Des choses qu'il a toujours su, lui. Lui, à travers ce qu'il parlait, il disait que Dieu existait. Il disait qu'il y avait des anges, il y avait des archanges. Il disait qu'il y avait des guides, des Melchisédèques, qu'il y avait, bon, il y avait un paquet de choses. Mais tout ça avait une coloration d'une personne qui en aura le bol. C'est un peu comme t'es perdu en Irak, puis il y a la guerre irakio-koweïtienne, t'es perdu en Irak en plein désert. Ben, tu vas haïr tous les Irakiens, en plus d'haïr leur maudit désert. Parce que là, t'es dans le bloc, puis les Irakiens t'ont pas touché encore, t'ont rien fait. Mais là, c'est leur maudit désert, t'as haï le pays, il y a plein de personnes ici qui ont haï l'Irak à mourir. Ça donnait de l'énergie aux soldats, tu sais. Mais, à la coalition. Mais les gens haïssaient l'Irak, même si les gens n'avaient jamais rien vu personne là-dedans. T'sais. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que l'ego, la partie interne, l'homme en réalité, l'anti-homme, c'est des couches qui font partie de l'illusion obligeant l'ego à s'associer à une involution pour parvenir à un moment donné à une conscientisation. Et quand l'être humain, dans son évolution, commence à développer une partie de conscience mémorielle, c'est là qu'on parle de principe d'évolution. L'humain continue à vivre une phase de descente, tout en développant chez lui un schéma de conscience de la descente, et là on parlera d'évolution. Mais ce n'est pas de la conscientisation encore. Pourquoi? Parce que c'est de l'expérience à travers des milliers d'années, des millions d'années, de l'involution. Parce que l'humain commence à être un professionnel de la chute, il a l'impression de monter, parce qu'il apprend. Bon, là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas un ego ici qui travaille pour que l'humain parvienne, parce que les égos ont tellement été écœurés, ils sont tellement fait fourrer souvent à cause des mécaniques d'évolution, qu'il n'y en a plus un seul qui croit maintenant que ce qui est là, ça peut être ça. Alors, l'humain, l'ego se dit, écoute, ça peut être ça, effectivement, tu sais, mais qu'on dormait un peu. Puis quand j'aurai une preuve, mais l'ego, les preuves, il y en a eu en masse, il y a vu des extraterrestres dans le passé, il y a vu du monde traverser les murs, il y a vu du monde voler, il y en a vu des choses, l'ego. Puis ça n'a jamais été plus de vraies preuves. Alors, quelle preuve l'humain va avoir? N'importe quelle que soit la preuve, ça ne pognera pas. Puis un être humain qui finit par embarquer dans une chose, c'est un être humain qui se dit, moi, je ne vais pas m'en sortir, moi, ce que je veux, c'est suivre. Et la majorité des égos vont, et ça, c'est une chose qui est expérimentée dans le passé, c'est que l'être humain qui ne se prend pas en main, l'être humain qui suit, vit une vie beaucoup plus facile que celui qui se ramasse tout seul. Mais la foi, c'est ça? Ça, c'est pas la foi, c'est la croyance aveugle, qu'eux appellent la foi. Mais si on parle de la foi du Nazaréen, c'est autre chose. Mais c'est très semblable. Oui, mais c'est très semblable, mais il faut voir les subtilités. Puis quand on parle de subtilité, on se rend compte qu'il y a autant de différence entre une pomme et un cheval. C'est très semblable. C'est des molécules, c'est des atomes qui tournent autour d'eux puis qui structurent une forme. Pareil en maudit, une pomme et un cheval. Mais quand tu vois la subtilité de la forme, etc., ben là, tu finis par te dire il y a autant de différence qu'il y a de cohérence. Le Nazaréen, il rentre dans un village, puis il veut guérir du monde, ils sont malades, puis il se rend compte qu'il ne peut guérir personne. Alors, il dit simplement à ses apôtres, non, ici, je n'ai pas pu guérir, les gens n'avaient pas assez de foi, les gens n'avaient pas la foi. Pourtant, les gens sont venus, c'était tous des maudits têteux. Ils étaient tous là avec leur grabat, puis ils s'en voulaient, puis ils le faisaient guérir. Il n'a pas pu les guérir. Les gens n'étaient pas ouverts, c'est-à-dire que leur canal n'était pas ouvert. La foi, c'est l'ouverture d'un canal. La foi, c'est pas la croyance. Les gens croyaient dans le Nazaréen. Les gens n'étaient pas ouverts. Fait que lui, il ne peut rien faire. Toute la guérison est là, ça plane. L'intelligence instrumentale, c'est ici, ça plane. L'humain qui est ouvert, là, il est automatiquement, puis il l'exprime. Tu sais, quand les gens ils disent, là, c'est besoin d'amour, besoin d'énergie, besoin de ci, besoin de ça, tout est là. C'est un peu comme bouche-toi le nez, bouche-toi la bouche. puis après ça, ben, plein toi qui manque d'air. Va dire, crime, il a plein d'air, respire. T'as beau être là. T'as beau essayer de respirer le nez bouché, ça respire pas du tout. Faut que tu sois ouvert. Là, faudrait être la foie nasale. Puis là, tu pourrais respirer sans problème. Alors, les égos humains sont des choses, des parties qui doivent être éduquées, instruites par le mental au départ, par le plan supramental progressivement, parce qu'il n'y a pas un seul égo à travers l'humain qui veut autoriser l'humain à parvenir à un contact supramental. Et c'est pourquoi c'est si souffrant, si compliqué, puis si long. Bon, le mental... Bon, mon mental peut éduquer mon ego. Ça, ça va? Oui, mais... à la condition, évidemment, que le mental, ton mental, soit pas chuté à ton ego. Ça veut dire qu'il faut être suffisamment de transparence au niveau du plan de l'intelligence pour être capable de contrôler le mental de façon à instruire l'ego. Pour qu'on t'aide de mal. Ben là, quoi? Vas-y. L'humain doit être lié à de l'intelligence instantanée. Parce que si c'est pas instantané, c'est mémoriel, donc on vient encore restructurer, ça crée des stratégies. Là, c'est le plan supramental, ça. Le plan supramental. Bon. Et l'humain doit obligatoirement être lié à l'amour instantané. Mais si l'humain n'est pas relié à l'amour instantané, l'humain ne peut pas parvenir à instruire convenablement son ego, parce que l'humain va rester un phénomène qui va être capable de haine. Quelle que soit la valeur de la haine, tu sais, je l'aime pas, ou je l'aime un petit peu, mais bon, etc. Je l'aime, je le juge, bon, ça fait partie de la haine. L'amour instantané, c'est la bouddhique. L'amour instantané, c'est une mécanique qui, de par sa définition, est totalement gratuite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stratégique. Alors, l'amour instantané fait partie des mécaniques de transparence. Si tu es transparent avec toi-même, nécessairement tu t'aimes. Nécessairement, tu as la capacité d'aimer les événements ou d'aimer les choses. Et quand on parle d'aimer, cela ne veut pas dire que tu vas l'apprécier d'une façon astrale. Ça veut simplement dire que tu n'auras pas de problème énergétique. Tu vas avoir la capacité de rester un être totalement doux, avec une puissance capable de faire voler les chapeaux de ceux qui te regardent. Bon, se faire éduquer par le supramental. Parce que le mental, j'ai l'impression que... Bon, quand je dis c'est moi qui parle quand c'est l'ego qui s'exprime, et c'est moi qui parle quand c'est le mental qui s'exprime. À cause du mot « moi ». Oui, mais j'arrive pas à... C'est mieux de mettre des noms, normalement. J'ai l'impression que c'est identifié à ce que je suis, là. Oui, mais c'est, le mot « moi », c'est « moi », c'est le Dieu humain. Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une créature de l'homme, faite à la ressemblance et à l'image de l'homme. Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est une mécanique naturelle qui permet l'engendrement et l'entretien de ce qui a été, à un moment donné, instauré par les mécaniques élohimiques. Dieu, c'est Allah. Hein? Dieu, c'est une mécanique naturelle. Dieu, c'est Yahvé, qui est une mécanique qui amène l'amour mémoriel. Dieu, c'est Elohim, qui transporte les génétiques. Dieu, c'est Jéhovah, qui amène la loi et le règlement. Et puis les punitions, ces choses-là, parce que le karma, c'est géovique. Dieu, c'est plein de choses, Dieu. Moi, c'est la même chose. Moi, c'est l'ego. Moi, c'est le mental. Moi, c'est le supramental. Moi, c'est l'esprit. Moi, c'est le perdu. Moi, c'est... Mais des noms. Alors, quand tu parles des mécaniques qui régissent l'humain du point de vue karmique, tu parleras de Jéhovah. On parlera plus de Dieu. Quand on parlait des mécaniques, par exemple, qui préservent les génétiques, on parlait des Elohim. On parlera pas de Dieu. Quand on parlait des mécaniques qui permettent à l'humain de s'aimer malgré que l'humain n'a pas de conscience, on parlera d'y avoir. Parlons pas de Dieu. Là, quand tu parles de moi, tu dis, ouais, mais là, quand c'est mon astral ou quand c'est l'astral qui s'exprime, c'est moi qui parle. Quand c'est le mental qui s'exprime, c'est moi qui parle. C'est la même chose. Quand une déité se venge, c'est Dieu. Quand une déité t'aime, c'est Dieu. Quand une déité vient sauver des humains, c'est Dieu. C'est Dieu, tu sais. Dieu, ça définit finalement à tous ceux qui viennent d'une place. Alors, si tu dis par exemple, quand c'est moi qui parle, ou quand je parle, c'est Daniel qui parle. Quand je parle, c'est Daniel qui parle. C'est clair pour moi. Là, j'ai pas dit moi, puis moi, puis moi, puis il faut que je reconnaisse la saveur du moi-là, parce que c'est différent du moi-là, puis etc. Change, non. C'est comme tu peux dire, c'est René qui parle, René veut dire né une deuxième fois. Alors, si au niveau de ta conscience et de ton intelligence, si tu t'appelles René, tu vibrerais bien, ben tu dirais, non, présentement, tu parles pas à Michel, tu parles à René. Là, je comprendrais. Mais parce que ces noms-là ont des saveurs du passé, puis parce que l'humain est habitué de penser que le nom est nécessairement le réceptacle qui désigne la globalité de l'humain, une personne va dire, oui, alors, c'est pas Michel qui parle, c'est René. C'est l'imbécile. C'est de baptiser les parties qui habitent le corps. Et c'est ça. Pour que tu puisses, dans ta communication, tu seras différencié les choses. Qui baptise? Toi, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est le mental? Il y a un masse d'eau chez toi. Tu baignes dedans. c'est parce que... C'est la conscience ou le mental, est-ce que c'est la même chose? Ta mère, là, quand t'étais jeune, elle t'appelait comment? Mon pitou. Ben des noms. Ouais. Mais quand elle était gentille, elle t'appelait comment? Michel, je pense, ouais. Y'a pas d'autres noms? Des petits diminutifs ou... C'est ça qui est mental. Quand je faisais des conneries, là, je n'avais des noms. Et le nom global des conneries, c'était quoi? En tout cas, il y en a un qui c'est Michel Lasserre, ça a dû l'envoyer de temps en temps. Ah, ok, oui. Ah, non, c'est ma fille, celui-là. Ça, c'est le nom familial, t'amènes la collectivité. Ouais. Pourquoi Michel Lasserre vient ici, tu sais? Placer une raison que tous tes petits égaux à l'intérieur qui sont familiales, là, c'est toute la gang complète qui dérange, là. Quand tu dis Michel Lasserre, là, ben là, c'est la gang complète, elle vient. Quand c'est avec Michel, c'est l'ego central, puis si présentement c'est les autres qui manipulent, t'as beau appeler Michel, il continue à niaiser, ben là, il vient pas, tu sais. Michel, viens souper! Michel, viens souper! Michel Lasserre, viens souper! Ben là, ils viennent tous, là. Ils viennent tous, là. Les noms que nos parents nous donnaient souvent, ou les noms qu'on acceptait de nos amis, il y a certains noms qui sont des noms qui vont directement des parties de l'ego. Ces noms-là, si t'es capable de les connaître, tu peux parler à ces noms-là. Mais tu parles à ces parties-là, tu parles à ces individus-là. Parce que l'humain est une église. Le corps de l'homme. Il y a 30 millions de personnes qui viennent prier régulièrement chez toi. Alors, il faut que tu le fasses une messe, une cérémonie. Puis là, tu leur demandes de te donner des offrandes. Tu sais, là, vous allez m'offrir 1 million de dollars. C'est aimant, tu sais. Ah oui, là, ils vont s'arranger pour cotiser pour trouver l'argent. Ben, gang, c'est pas vous. Non, je sais que c'est pas vous. Bon, tu demanderas une pièce chaque, 30 millions de dollars. Mais là, je sais que c'est pas gros encore, ça veut dire. Là, ce qui va arriver, c'est que les parties égoïques, progressivement, si t'as été capable de créer une religion mentale chez toi, vont s'arranger pour commencer à travailler pour toi. Puis là, tu vas être capable de ramasser de l'argent parce que tu vas avoir exactement ce qu'il faut pour le faire. Je parlais hier à une personne, puis j'expliquais justement des mécaniques. Une personne qui... c'est une personne qui a toujours voulu réussir, qui a réussi, qui a tout perdu, bon, parce qu'elle se conscientise, elle va te rencontrer un jour, bon. Et puis, mais c'est elle qui me pêchait, ce qu'elle prendra. Et puis, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est géniale. Elle a étudié à bien des places, elle est grandiose, une personne qui est riche, qui n'a pas une scène, mais c'est une personne qui devrait être un roi. Et puis, tout est parfait. Cette personne-là, elle ne réussit rien. Rien. Depuis qu'elle a commencé à se conscientiser, là, il n'y a rien à faire. Puis en plus, elle est toujours malade. Le moment qu'elle recommence à travailler, elle recommence à grossir. Elle ne mange pas plus. Puis si elle arrête de travailler, elle commence à maigrir. Elle mange autant. Puis qu'elle mange mal, qu'elle mange bien, elle mange bien, bien, bien malade comme un cochon. Elle mange du cochon, elle digère ça sans problème, ça va bien. Alors elle mange du porc. Et puis cette personne-là, j'ai expliqué plein de choses justement au niveau de son égo hier. J'ai prouvé qu'il y avait un maudit paquet de problèmes. Et puis après ça, elle me dit, si je comprends bien, il y a un gars que j'ai connu, lui, il jouait à la bourse. Il faisait 60 000 $ par année. Et puis, c'est pas beaucoup. Son père avait fait des millions de dollars. Le gars, il avait une stratégie, là, puis en 3 semaines, il faisait 60 000 $ Puis il gardait la stratégie le reste de l'année, il n'en faisait pas plus. Ça ne fonctionnait pas. Il faisait 20 000, perdait 15 000, faisait 5 000, perdait 10 000. Bon. À la fin de l'année, il avait grosso modo fait 65 000. L'année d'après, ben là, on pourra ça dans une autre année. Puis là, subitement, là, il flingue 65 000 d'un coup. Puis après ça, rien à faire. Il s'est fait étudier. Il a étudié. Il a su jaser du monde. Ses stratégies sont parfaites. C'est les mêmes. Ça ne change pas. Il plante à 60 000. Il a vu des psychologues, des psychiatres, il a payé des milliers de dollars. Il a fini par apprendre à un moment donné de quelqu'un, après ben des jasettes. Ton père, il faisait des millions, oui. Puis là, ils ont jasé un peu, finalement, et on a découvert que son père était totalement alcoolique. Puis que lui, l'argent, il était sûr que ça l'amènerait à l'alcoolique. Ce qui fait que 60 000, c'était assez pour vivre. Fait que c'est rendu à 60 000, l'ego travaillait contre lui. Mais là, regardez bien ce que je veux vous expliquer. Mentalement, tout est la même maudite affaire. Comment d'abord l'ego peut faire pour t'empêcher de faire du fric alors que tu appliques la même stratégie? C'est ça l'idée. Tu l'appliques une seconde trop tard, une seconde trop vite. Tu l'appliques, l'ego vient te niaiser. Le gars a toujours fait 60 000. Après le psychologue, c'est 1 heure, 2 000 $. J'ai pensé de devenir psychologue, mais il y en a des psychologues ici, hein, ils connaissent rien de la finance. 2 000 $. Et puis, 2 000 $. Et puis le gars, après, quand c'était classe, il a pris un petit bout de temps de digestion, là, 2-3 semaines, puis il a commencé à faire des millions. Il n'a pas changé de stratégie. Il a réglé son problème d'ego. Il ne sait pas, puis ça a pris des années, là. Il va avoir d'autres problèmes, le gars, parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que c'est extrêmement important d'apprendre à exprimer à l'ego ce qui est. Parce qu'un ego qui est au courant subitement de ce qui est, c'est bon enfant à l'ego. Quand il est au courant de ce qui est, il s'arrange pour plus faire ça. Puis tant qu'il n'est pas au courant, il ne peut pas le faire. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est qu'un ego? Regardez le principe même de l'ego. Vous allez quelque part, puis ça ne marche pas. Qu'est-ce que l'ego fait? Puis ça, tu là, puis ça te maudit là, puis il change contre le monde, contre l'extérieur. Preuve qu'il n'est pas au courant, c'est lui. Okay? Là, on va vous dire mentalement, vous autres, là, oui, mais c'est de votre faute, c'est de ta faute si ça va mal. Là. Puis c'est mal à cette place, là, tu vas dire au bras. Bon, c'est de votre faute. Là, ben là, vous le savez. Ça change quoi? Ça change absolument rien. C'est su en arabe. Ça parle hébreu. Alors, il faut que vous trouviez des mécaniques pour arriver à instruire l'ego. Ça se trouve, ça. D'ailleurs, la majorité ici en connaissent une, qui est la technique du fasciolateur. C'est la meilleure. Mais comment on la pratique, évidemment, c'est qu'on discute tous les deux, puis à un moment donné, moi, je dis de quoi? Peut-être je te dis simplement, oui, Michel, mais c'est à cause que telle place, là, ça va pas. Tu me dis, ben oui, non, ça va très bien, là. Couche-toi à terre. Là, tu te couches. Là, on vérifie le fasciolateur. Et puis, après ça, tu reviens t'asseoir. Là, je sais qu'il avait raison, ou il sait que j'avais raison. Mais il y a d'autres personnes que je pose des questions, je leur dis, toi, là, parce que t'es nerveux tout le temps. Ah, oh, je le sais que c'est à cause de ça. Couche-toi à terre. Là, on vérifie que le fasciolateur, puis ça prouve que là, c'est bien clair qui est nerveux dans telle situation. La personne, elle se lève, elle s'assoit, puis elle dit, ouais, mais ça, je le savais. Deux, trois semaines après, elle commence à changer. Son ego ne le savait pas. Bien, la technique du fasciolateur vient d'informer l'ego. La personne, elle dit, ouais, mais je savais ça. Ouais, deux, trois semaines après, ça change tout seul lentement. Mais ça prend une technique dans laquelle l'ego a foi. Oui, sauf que l'avantage, c'est que l'ego est suffisamment. Avec le fasciolateur, l'avantage qu'il y a, c'est que quand l'ego veut tricher, il peut pas. L'ego, il peut faire faible. Tu poses des questions là qu'il veut pas dire. Là, il va tout faire pour être fort. Il pourra pas être fort. Fait que l'ego se rend compte que ça donne. Mais c'est de là que la foi arrive, parce que là, il est confronté. Faut, mais l'ego a confiance, c'est pas la foi. L'ego, ça a confiance. Il comprend rien. Ça peut pas être ouvert. La façon que l'ego peut s'ouvrir, là, c'est quand il fait confiance, ça veut dire c'est quand il s'attache. C'est pas une foi, c'est pas une ouverture à rien. L'ego, il fait confiance. La confiance, c'est une foi dans quelque chose. Croit à la technique, puis. L'intelligence, c'est le mental qui a foi, c'est quoi? Quand l'humain a foi? Quand l'humain a foi, c'est simplement que l'humain est transparent. Bon, la foi en quelque chose, c'est une croyance. Okay? La foi en Dieu, c'est une croyance. Oui. Bon, c'est paramétré, c'est coloré, puis c'est limité. Il faut que le Dieu rentre dans un cadre particulier. C'est conditionnel, la foi en quelque chose. La foi, tout court, c'est une ouverture aux énergies. Donc, une transparence totale. De tout ce qui habite le corps. De tout. De toutes les parties. De tout. Pas de ce qui habite, de tout. De ça, on en reparlera. C'est quelque chose qui est probablement plus gros. Mais de tout. Présentement, ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'il doit absolument informer son ego. Pour informer son ego de différentes façons, on en parle. On passe 4-5 heures, on fait une thérapie de groupe, par exemple. Pourquoi une thérapie de groupe? Les égos sont collectifs, fait que si tout le monde arrive à broyer de la même façon, ça marche. On doit passer par un processus. On doit passer par un processus où on va être capable émotivement d'en arriver à une constatation. Pas au niveau mental. Si on reste au niveau mental, là, on va tout savoir. L'ego ne sera absolument rien. Donc, on n'aura pas réglé nos affaires. Si on va avec, mettons, disons, on ferait une thérapie de groupe avec un processus émotif, là, ce qui va arriver, une personne t'arrive, ben non, je le fais comme en séminaire, par exemple, ou que je peux rentrer directement quelque part, puis aller briser une partie, la personne, elle se met à pleurer, là, t'as à l'aise pleurer, là, t'es en train de régler ses affaires. Bon. Parce que là, c'est émotif ce qu'il est en train de vivre, c'est l'ego vient de découvrir subitement que c'est vrai qu'il était épais. La personne se met à broyer. C'est l'ego qui l'exprime. Bon, ça va. Mais si on dit à quelqu'un, toi là, parce que t'étais pas. Personne ne va dire, ouais, je le sais ça. Mais ça va rien changer dans sa vie. Maintenant, il y a deux choses. On rencontre des individus puis on dit, oui, mais c'est parce que, par exemple, bon, c'est parce que t'es manipulé ou parce que ton ego, la personne n'a aucune compte là. Elle, mentalement, n'est pas prête. Tu peux pas rien faire avec elle. Pas du point de vue du travail que nous autres on fait. Quand les individus commencent à se conscientiser, ça veut dire qu'ils se branchent un plan supramental. L'énergie est prête à couler. Maintenant, il faut aller ouvrir les vannes en bas. Ouvrir les vannes en bas, ben, il n'y a rien à faire, c'est que l'énergie que ça passe, c'est le code qu'elle a, c'est pas le code astral. Le code astral existe, il faut comprendre des mécaniques détournées. Tu as le fasciolateur, évidemment, qui peut permettre ça. Puis tu as d'autres mécaniques qui vont être des communications. L'humain doit, bon, pour parvenir à une conscientisation fusionnelle qui est douce, l'humain doit obligatoirement avoir accès à l'amour instantané. L'amour instantané, ça va permettre à l'humain de reconnaître d'une façon astrale, mais non émotive, des mécaniques qui vont justement permettre de faciliter la transition au niveau de son ego. Ça veut dire que la personne, elle va aller voir un film, par exemple, puis le film va l'émouvoir. La personne qui se conscientise et qui est capable de se relier de l'amour instantané va être capable de se laisser, de s'autoriser à s'émouvoir en regardant le film, parce qu'elle est capable de reconnaître l'importance que va attacher l'ego à ce qui se passe là, et la personne mentalement ne luttera pas contre la problématique de l'ego. Et progressivement, l'ego va finir par devenir l'ami du mental, c'est-à-dire que l'ego va finir par faire confiance à l'autre en haut, et il y aura un paquet de petites choses qui vont se faire. Parce que les égos humains, ben, ils sont de bonne foi. Mm-hmm. Et la problématique, c'est qu'ils ne connaissent tellement rien, sont tellement mal pris. Il n'y a pas un égo qui veut absolument nuire à l'humain. Pas dans la valeur que je donne à l'égo présentement. C'est évident que si tu élimines une certaine petite valeur, une vision particulière, l'égo redevient l'animal à tuer. Mais l'égo redevient l'animal à tuer uniquement parce que l'égo, là, c'est un... C'est comme si on a un pays, on parlait de la Chine, on ramasse les enfants en Chine, et puis là, on les éduque. Ils appellent ça eux autres, c'est pas de l'éducation qu'ils font, c'est de la rééducation qu'ils font. Alors, ils placent les enfants, ils placent les prisonniers, les personnes qui veulent garder avec eux autres dans des centres de rééducation, puis les personnes passent 50 ans, 60 ans dans les centres de rééducation. Tous les jours, il doit répéter « vive le parti, vive le parti, vive le parti » quelques milliers de fois. Et puis bon, il fait jouer des affaires sans tous les mêmes bébés. On le programme au complet. Là, à un moment donné, c'est la libération totale de la Chine. On s'amorce avec 1 million sur 1 milliard. On s'amorce avec 1 million de personnes totalement rééduquées. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guérilla. Ils disent « c'est pour sauver le pays ». Ils veulent sauver le monde malgré le monde. Toutes les religions veulent sauver le monde malgré le monde. Puis les personnes qui font de l'évangélisation, quelle que soit la religion, veulent sauver le monde malgré le monde. Bon, les égos veulent sauver le monde malgré le monde. Donc malgré le mental, malgré ceci, malgré cela. Alors ce qui arrive, c'est que là, on a 1 million de personnes que nous, on va se dire, crime, ces personnes-là, là, ils mettent des bombes partout, c'est faux, les éliminer. C'est vrai, il faut les éliminer, ils nuisent. C'est intelligent de les éliminer. Tout le premier est d'accord avec ça. Mais ça change. Oui. Mais là, si on a un autre point de vue, puis on dit « Ouais, mais ces personnes-là, c'est du monde exactement comme nous autres, sauf qu'ils sont entourés d'une croûte de programmation. Éliminons la croûte de programmation en place, on va régler le problème. » Mais là, tu parles de l'ego. Tu parles de l'ego d'une façon différente de plusieurs... Non, l'ego... Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit l'ego sous un autre jour. Là. Oui, OK. Et est-ce que si tu en parles de cette façon-là, c'est parce qu'il y a une croûte qui s'envole ou qui... Et puis là, c'est pour parler à l'ego... Qui va être là présentement. Ouais, c'est ben, pas que, même c'est pas que le principe d'évolution, de conscientisation a changé. C'est qu'on arrive à un autre stade. La technique militaire, disons, de conscientisation est différente un petit peu. C'est qu'au lieu, par exemple, d'envoyer un missile gros directement au cœur de l'ego, le faire sauter. Puis après ça, tu vas faire sauter différentes particules. Ça peut être encore efficace, ça, là. Ça peut même encore être utilisable. Ça donne une utilité. Là, ce que tu fais à place, c'est que tu perces simplement dans la croûte qui est arimanienne ou qui est sataniennes. Tu perces là-dedans, tu places du plastique, un explosif au niveau de la croûte, puis quand tu fais tout dynamiter ça, c'est avec la croûte qui revole, il reste l'ego. Puis l'ego, il dit, bon, ben, écoute, t'es chou, il t'étend. Je prends celui. Les égos, pourquoi je veux qu'on fasse comme ça? C'est bien simple. Mais est-ce que c'est pas... Il y aura une égoïsation similaire, il y aura le même processus. Où il y a le problème, c'est que l'humain est pas assez puissant pour être capable de venir de tamponner l'ego d'un coup sec, puis de venir réduire l'ego à une matière utilisable par l'intelligence. Étant donné que l'humain n'a pas la puissance de le faire, puis il y a trop de personnes qui vont perdre leur corps physique là-dedans, il y a trop de personnes qui vont perdre leur vie là-dedans, mais c'est une technique initiatique puissante. Elle a été utilisée dans le passé quelquefois, puis encore, hélas, plusieurs personnes qui devront utiliser ça. Étant donné que les corps physiques ne sont pas suffisamment prêts, ben, tu as le choix, tu manges encore de la marde pendant 10, 15, 20 ans, puis après ça, tu le fais, ou tu peux faire bien avant, sans souffrir en plus. Mais est-ce aussi parce qu'il y a une partie d'ego qui s'est fondue? C'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Ce que je suggère présentement, c'est que l'humain, au lieu de partir de l'homme, hein, de la femme ou de l'enfant, puis que subitement, à travers une anégoïsation massive, disons, relativement violente, jamais été pour la violence, mais quand même, disons, l'humain passe de là et arrive, pouf, c'est un homme nouveau, c'est une femme nouvelle, c'est un enfant nouveau. Ce que l'humain devra faire, c'est que si l'humain comprend, puis on va en reparler de toute façon suffisamment, si l'humain comprend ce que c'est que d'instruire l'ego, on a parlé souvent d'instruction de l'ego. Ouais. Mais jamais quand même saveur qu'aujourd'hui. Bon, OK, mais on a parlé souvent. Mais si l'humain, au lieu de travailler à la fusion avec son double, tout de suite, si l'humain essaie ou travaille une mécanique, colère mentale douce, j'ai fait un séminaire là-dessus, si l'humain prend la colère mentale douce pour se relier au plan de l'amour instantané, l'humain, au lieu de devenir un homme nouveau dans 20 ans, puis de travailler énormément à travers pour devenir un homme nouveau subitement dans 20 ans, l'humain va devenir ce que les mortels vont appeler un ange. Alors, ce que moi je suggère, c'est que l'homme passe par l'étape angélique avant d'arriver à l'étape qui serait celle de l'homme nouveau. Bon, tu vas arriver au niveau dans le même temps, excepté d'une façon différente. Tu vas avoir souri, tu vas t'amuser en maudit à travers le temps, puis tu vas avoir réussi à adoucir non seulement toute ta transition, mais toute celle des autres. C'est pas grave, celle des autres, mais celle des autres, elle va faire en sorte que tu vas adoucir le cadre dans lequel tu te trouves. Donc, tu adoucis encore ton propre fonctionnement. Autrement dit, ce que l'humain doit faire, c'est que ça reste une question d'autorité. C'est-à-dire que l'humain doit s'autoriser à plusieurs choses. L'humain doit s'autoriser premièrement à être intelligent, ce que les égaux font pas. Mais l'humain doit s'autoriser aussi à être capable d'aimer, ce que les égaux font pas non plus. Puis quand je parle d'aimer, de s'aimer soi-même, c'est le départ de toute façon. Bon, l'humain doit s'autoriser des choses qui... L'humain doit s'autoriser la facilité. L'humain le fait pas. J'ai vérifié des personnes, moi, qui travaillent comme des bœufs pour avoir du fric. Puis quand on vérifie leurs égaux, là, ils en veulent pas d'argent. Ils ont ça en horreur. La personne que je te parlais, justement, là, qui n'arrive pas à faire du fric depuis un bout de temps, bien là, je l'ai placé devant son père et sa mère, riche. Puis t'as dû voir, moi, ça fondait à l'intérieur de ça, c'était débile. Après ça, je l'ai placé devant ses enfants, riche. Puis ça fondait totalement. Et après ça, je l'ai placé devant d'autres personnes. Pour lui répéter, ce que je répète depuis des années, c'est que toi, là, tu peux pas faire d'argent si les autres autour de toi en font pas. Personne, c'est encore la même chose. Elle va être prête à faire de l'argent si tout le monde en fait. Donc, elle sera totalement coupable d'en faire si les autres n'en font pas. Son défaut, c'est une trop bonne âme. Bon. Et là, ben là, il y a des choses qu'il faut régler avec elle, évidemment. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais cette personne-là, elle n'a pas à vivre ce qu'elle vit là. Il y en a plein comme ça qui n'ont pas à vivre ce qu'ils vivent. Mais les égos travaillent contre. Et si on travaille contre l'ego, puis que l'ego travaille contre nous autres, l'ego contrôle le plan astral. Fait qu'imaginez-vous bien qu'il va-tu vous amener où vous savez que vous ne devez pas aller, hein? Il est au courant de tous les traquenards astraux. En plus, l'ego, c'est lui qui contrôle le système endocrinien encore. Tant qu'on n'est pas suffisamment magnifique, il contrôle le système endocrinien. Il va-tu vous rendre malade? Là, je sais pas, vous allez être malade en masse. Il va vous vieillir. Il va vous épuiser. Si on travaille contre l'ego, puis l'ego, c'est lui qui est le contrôleur du véhicule qu'on a besoin. Et quand je parle d'instruction d'ego, j'ai souvent expliqué, j'ai pas donné la même saveur. J'ai pas communiqué dans le plan, disons, de l'affectivité, des mécaniques sur l'ego. Là, j'en parle comme j'en ai toujours parlé, sauf qu'en même temps, il y a une saveur qui est plus acceptable par l'ego. C'est pour ça que ça donne l'impression qu'on en parle d'une façon différente. J'ai toujours dit qu'il fallait instruire l'ego, j'ai souvent dit que de temps en temps, elle a payé lui un carnet. C'est la même chose. Sauf que l'affaire qu'il y a, c'est que tu ne faut pas, faut plus penser payer un cornet à l'ego en fonction d'une stratégie. Oui, il en paye un pour quand ça donne que là, t'en payes un, fini là. À un moment donné, tu vas faire quelque chose à quelqu'un aussi. Tu vas acheter un cadeau à quelqu'un comme ça. Bon, parce que c'est parfait. Tu n'auras pas de problématique. Là, tu es en train de devenir ce qu'on pourrait appeler ce que les mortels vont appeler un ange. Et puis, progressivement, tu vas arriver à la transition de l'homme nouveau sans problématique. Puis là, je ne recule pas en arrière ou quoi que ce soit. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des façons qui sont intéressantes pour arriver à des évolutions, mais la majorité des personnes vont travailler trop dur pour rien. Alors, tu vas chercher des mécaniques tampons qui te mettent devant ça. Ça, on va en reparler, on fait une petite pause, puis on finit. Si vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les scrimouillez.